alimenter la brume. Subit les contrôleurs, c'est son prêt de la brume. Relou comme ton plan argent qui est à son tel après. Vous êtes sur la boîte vocale du... Ah, fille de pute. J'écris des textes, je vois dessinateur. Auteur qui m'a trop chaud pour mes dessinataires. Sous rapace, j'ai vu des signes après. La paix du sénateur, mais je suis plus encore sénateur. Tu vas trop chaud, c'est bien moi évidemment. Voilà pour lui, c'est vidé, j'ai plus trop envie d'amour. Redonne pas de la cité, envie d'amener. Le sac tu vis ta mère, t'inquiète, ils ont envie d'amener. Ma gueule, ils vont vite d'amener. Mon frère, si t'es rebeu, ou bien si trop condamné. Car pour eux, à leurs yeux, ayant plié excité, tu les as bien trop calmés. Des fois, ça me fait plus marrer. Le rap ou la débrouille, ah, je comprends plus ce qui m'arrive. Et puis, pas trop de me parer. Avoir plus rien dans les fouilles, ça devient vite comme le mari. Des fois, ça me fait plus marrer. Le rap ou la débrouille, ah, je comprends plus ce qui m'arrive. Et fais pas trop le mec pareil, avoir plus rien dans les fouilles, ça vient vite comme la marine. C'est la jeune gueule, je sais que les bolos sont abonnés. J'suis un perfect, j'ai passé tout mon temps au texte à zoner. Un seul numéro 1, deuxième c'est dernier. Maman j'arrive de 3 millions, j'rentre à la journée. Là faut que j'rentabilise, là faut que j'rentabilise. Ils ignorent, ils rentabilisent, elles ignorent, elles rentabilisent. Si je claque, je rentabilise, si je claque, je rentabilise. Rattraper le temps perdu en euros, histoire que je rentabilise. Encore défoncé de la veille, c'est pas la première de l'année. Jacques Gaëmé, le de la belle. J'allume un doré qui n'est pas le dernier de la nuit. T'inquiète sur moi, il faut monter la mise. Elle veut monter la mise, pendant que je pense à l'hôtel la nuit. Tu veux une toile de Babel la puce. À la fleur, prends tes patins, elle est Babel la puce. Elle s'est fait qu'un Kawasaki. Ensuite, fais tourner le Kamazaki. Vodka et kiwi, c'est que protéger corps à toi un peu après tes massacres. T'auras pas pendu dans les vestiaires. T'espères pas de poil, je vais dire bonjour à Esther. C'est comme lui au comico, ça raïste. On t'attaque comme un dictionnaire. On fait pas du sinu, on fait toujours des dix-genoux. Plus d'enfants additionnels, crayon d'additionnels, l'ennemi se disonnait. On t'inquiète comme additionnel, on fait pas du ciné, on fait toujours des additionnels. Plus d'enfants additionnels, crayon d'additionnels, l'ennemi se disonnait. C'est la jungle, tu sais que les bolos sont abonnés. Je suis un perfect, j'ai passé tout mon temps au texte à sonner. Un seul numéro 1, deuxième c'est dernier. J'arrive de 3 millions, je rentre à la journée. Là faut que je rentabilise. Là faut que je rentabilise. Ils ignorent, ils rentabilisent. Elles ignorent, elles rentabilisent. Si je claque, je rentabilise. Si je claque, je